Skyrock, Rai Supreme. C'est DJ Kaze, DJ Kaze. Un peu de weed dans un bon cas. Que du V12, que du gros char. On veut

se mouchuje, bibi il maestro. Emi córki uchuje, śliw il bachira. Yalla. Y'a qu'un pays à le faire les couillons. Lequel reste c'est comme ça. Tout le monde debout, les mains en l'air, c'est comme ça. Il y a du monde dans la salle, tout le monde est sur la piste, mais c'est comme ça. Rail Suprême le dimanche soir, DJ Case avec nous. Grosse session, ouais, là, une grosse demi-heure remplie de sons à l'instant. Ouais. Et ça continue, la bonne nouvelle, après la pub. Non ? Tu veux pas revenir, Case ? Si, bah non, mais moi je suis obligé de rester. Ce sera avec quoi, par exemple ? Je suis obligé de rester justement pour vous faire découvrir le morceau de Sultan qui est sur le projet. Donc le morceau de Sultan. Exactement. Qui s'appelle Abu Dhabi Style. Abu Dhabi Style. Il arrive juste après la pub, bougez pas. Le retour de Rail Suprême avec DJ Case après ça. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Baby. cherche encore. J'ai changé mon décor, mon trésor.